Audiomatique. Thank you. La transmission 016 de l'émission Audiomatique s'ouvrait avec un projet provenant de Slovaquie, soit Oxide. Il nous interprétait la pièce Lucifer's Dream parue sur le quatrième album intitulé Astral Border. Soulignons que les deux membres d'Oxide sont également ceux derrière la formation Disharmony. Les électronistes qui seront vos animateurs pour la prochaine heure et qui vous convient à découvrir ou approfondir le monde de la musique électronique. N'hésitez pas à visiter notre page sur Facebook à Audiomatique CFOU pour surtout réentendre nos anciennes transmissions. Faisons maintenant un bond en arrière, en 1997 pour être plus précis, et faisons un détour par la ville de Bristol en Angleterre, là où le style trip-hop a vu le jour, style musical qui a été avidement nourri par l'étiquette de disque Cup of Tea Records durant la deuxième moitié des années 90. Nous entendrons à l'instant à Audiomatique la formation Receiver qui nous offre la pièce What the Fuck, parue sur la compilation Another Compilation. I'm Chemin vers l'exil sur l'autoroute du ciel. L'Atlantique, mon géant, barrière frêle. Je suis chez moi, partout et nulle part, surtout ailleurs. Et pourtant, famille adoptive, vous avez mon cœur. Et demain, j'ai mis des étoiles sur mon plafond. J'ai créé mon propre univers, c'est si simple dans le fond. Slalomant entre rencontres, choix et déceptions. De mes plus grands voyages, celui de la vie, vous êtes mon exception. Et demain, à qui? Et demain, indécis. J'avance pas à pas dans la mélancolie. Je meurs de toi et tant pis si ça fait mal. Tu m'es indispensable, je m'enfuis, pardonne-moi. Je t'en prie, ne sois pas triste. Toi mon ange, tu me dis que je suis ta plus belle cicatrice. Et demain, plus jamais seule, où que j'aille, orphelin sera sans doute le dernier de mes dames. Je ne deviendrai pas un fantôme aux couleurs aquarelles, car je suis noir ou blanc et que toi, t'es mon arc-en-ciel. Loin des yeux, loin du cœur, ce proverbe est menteur. Un amour viscéral qui m'empêche d'avoir peur. Le yin et le yang d'un monde sans attache se vanteront-ils un jour d'avoir effleuré ce qu'on partage? Et demain? Démoli? Et demain? Interdit. Cette courte séquence musicale se terminait avec le duo féminin montréalais About, formé de Michel Bernier-Martin et de Barbara Fink-Beccafico. Nous pouvions entendre la chanson « Et demain » tirée du mini-album « Niroda », qui est le troisième d'une série de quatre mini-albums qui sont tous inspirés par le bouddhisme. Je vous invite fortement à visiter leur profil sur Bandcamp pour en découvrir davantage à l'adresse aboutband.bandcamp.com. Et en amorce de séquence, il s'agissait de Receiver et la pièce What the Fuck tirée de la compilation Another Compilation de la célèbre étiquette de disque Cup of Tea Records, malheureusement défunte aujourd'hui. La suite de la transmission s'effectue avec le projet britannique Clock DVA, piloté par Addy Newton et auquel s'est récemment joint l'artiste Maurizio Martinucci. Ensemble, ils nous ont concocté un très beau produit intitulé Clock 2 qui se matérialise sous forme de carte USB. L'album comprend 3 nouvelles pièces et 5 remixes très bien dirigés par des artistes comme Ushmit et Robin Rimbaud, en plus de 4 vidéos et de l'essai sur le futurisme russe écrit par Addy Newton lui-même. Donc on retrouve tout ça sur la carte USB. Donc voici sans tarder la pièce Reconstructor, justement tirée de cet album de Clock DVA qui se nomme Clock 2, sorti à l'été 2014. Future begins with a break from the past. At the start of it all, a new base at last. The constructor begins. New plans unfold. Start of a path that leads to the goal. merveilleux. 89.1. Mlada Fronta, le projet de l'artiste français Rémi Pelletier, concluait avant la publicité cette séquence musicale avec la pièce-titre de son plus récent album intitulé Polygon. Notons qu'un vinyle qui se nomme Nitron est également sorti en complément afin d'offrir aux fans des versions alternatives à certaines pièces de l'album CD. Et c'est Claude Divier qui amorçait cette séquence de deux pièces avec Reconstructor, qu'on retrouve sur le plus récent album Clock 2. Nous poursuivons à l'instant en musique avec le quatuor montréalais Tracer Flair à Audiomatic avec les électronistes. Thank you. This shame's happening. Elle n'a pas vraiment besoin de présentation, mais nous préciserons quand même qu'il s'agissait de Björk avec la chanson Mouth Mantra qui est parue sur son plus récent album Vulnikura qui devait sortir en mars prochain mais qui a été rendu disponible à la surprise de tous hier. Les sonorités de cordes prédominent sur cet album qui est très épuré et où les sonorités électroniques se font quand même subtiles. La pièce que l'on entendait est peut-être la plus électronique de l'album. Précédemment à Björk, c'était le projet Animalia, mené par l'Australienne Jill Krasniqi, qui est maintenant basée à Toronto. On pouvait entendre sa chanson Agitated de son premier album Mouth Full of Teeth, que vous pouvez télécharger sur son profil Bandcamp en payant ce qui vous plaira de payer à l'adresse animalia.bandcamp.com. Et en début de segment, on avait droit au groupe montréalais Tracer Flare et la chanson Delete de leur quatrième mini-album Sigh of Relief, qui est disponible gratuitement en téléchargement sur leur profil Bandcamp à tracerflare.bandcamp.com, tracerflare.bandcamp.com. Les électronistes qui vous remercient d'avoir été à l'écoute de cette transmission 016 d'Audiomatique, nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain à 18h pour la transmission 017. Sachez que vous pouvez nous réécouter en rediffusion sur les ondes de C'est fou les samedis à 20h ou vous pouvez réentendre nos anciennes émissions quand bon vous semble en suivant les liens sur notre page Facebook à Audiomatique CFOU. Restez à l'écoute car les audacieuses suivent dans quelques instants. Mais tout juste avant, nous allons conclure la transmission avec une pièce de la formation Tackhead, une pièce qui est retravaillée par l'artiste Gary Clale. Gary Clale, c'est en fait l'ingénieur de son pour les concerts de Tackhead, une formation qui a évolué tout au long des années 80. Donc, en parallèle de son travail à la console, Gary Clale s'amusait aussi à mettre sa touche sur les pièces du groupe, y ajoutant parfois sa voix et en les retravaillant radicalement pour créer des versions à saveur dub. En 1987, fut publié un album sous le pseudonyme Gary Clale's Tackhead Sound System, qui comprend justement une série de remixes qu'il a fait des pièces de cette formation. Voici donc son interprétation de What's My Mission Now? Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une autre transmission d'Audiomatique en compagnie des électronistes. fight the devil! What's my mission now? The devil!